L'amour plus fort que la mort. C'est ce que Faustine s'est juré. Tant qu'il y a de la vie, tout espoir n'est pas perdu. Le combat continue. Et le mieux, c'est encore de faire comme si tout était normal. Julien va passer entre les gouttes. La Camarde ne le verra même pas. Chaque jour est une nouvelle leçon de vie et d'amour. Depuis des mois maintenant, Faustine vit uniquement au rythme de son bébé. Endormi à 20h, il se réveille en détresse respiratoire à 2h du matin. Un souffle ténu suffit à alerter sa mère, la réveille en sursaut malgré la moquette des escaliers qui étouffe les bruits entre les portes ouvertes. Elle monte immédiatement, aspire le mucus, enclenche la musiquette de nuit, attend que son petit se rendorme, redescend, s'assoupit jusqu'à l'alerte suivante. Elle s'épuise peu à peu sans s'en rendre compte. Chaque nouvelle journée est une victoire. Depuis qu'elle a appris à nourrir son enfant à la sonde, Faustine est plus sereine. Au moins Julien ne mourra pas de faim. Il reprend du poids et des couleurs. Seul bémol, personne ne lui a spécifié combien de nourriture elle devait donner. Faustine est embarrassée. Respecte-t-elle vraiment le principe primum non nocere? D'abord ne pas nuire, en lui enfilant un petit pot entier à chaque repas. Son bébé ne grossit-il pas un peu vite? Ne risque-t-elle pas de faire exploser le petit estomac? Parfois il pleure après qu'elle l'a nourri. Est-ce de douleur, d'inconfort? Le gros problème avec les maladies orphelines, c'est que peu de monde les connaît. Faustine navigue à vue, fait de son mieux, sans jamais être sûre d'elle. Maxime et Faustine, quand ils ont un répit, prennent des notes, complétant les directives des médecins américains. En France, ils font figure de précurseurs. Les médecins s'attendent à ce qu'on leur transmette un maximum d'informations. C'est paradoxal de devoir former les personnes qui soignent votre enfant. Paradoxal et compliqué, surtout quand la fatigue s'en mêle. Quand Maxime se rend compte à quel point Faustine est épuisée, il lui propose de faire venir Laurie. Faustine lui en est très reconnaissant. Elle envoie aussitôt un courrier à son amie qui lui téléphone quelques jours plus tard. « C'est sérieux? Tu veux que je vienne ?»« Oui, j'ai terriblement besoin d'aide, mais il faut que tu te décides vite. Tu as bien noté le numéro de ma carte de crédit ?»« Oui, écoute, je vais passer me renseigner à l'agence. » Le lendemain, Laurie rappelle. « Je suis passée à l'agence. Ils n'acceptent pas le paiement à distance. Le numéro et le code ne suffisent pas. Ils réclament le fichu bout de plastique et ta signature. »« Merde alors, c'est pas de chance. Je vais voir si on peut faire autrement. »« Non, te fatigue pas. J'ai eu le temps de réfléchir depuis hier. En fait, il n'y a pas que ça. »« Ah, tu n'imagines pas à quel point j'aurais voulu venir. » En 1979, je suis allée 3 semaines en Angleterre et je m'étais juré de visiter l'Europe avant qu'il soit trop tard. Trop tard? Oui, avant que je me retrouve coincée entre boulot, mari et enfant. Et là, toi, Maxime, le papouze, vous me manquez tellement, poursuit Laurie en larmes, que je viens d'accepter un nouveau job. Et si je quitte ma colocation, je dois dédommager les filles. Ça fait des années que mes parents m'aident. Je ne peux plus me permettre d'abuser, je suis tellement, tellement désolée. Ne le sois pas. C'est moi qui suis navrée de t'avoir imposé ce dilemme. Je me rends bien compte de la cruauté de la situation. La mort dans l'âme, Faustine et Maxime ne peuvent que renoncer. Laurie avouera un jour que, bien qu'ayant le cœur brisé de dire non, il n'était pas sûr qu'elle aurait supporté la question sous-jacente. Combien de temps? Et comment survivre au décès de Julien? Entre deux visites de belle-maman et avant le retour de Daphné, Faustine balade son bébé au soleil de septembre. C'est le moment de cueillir les mûres qui abondent dans le terrain vague qui borde la résidence. Le buisson de ronces qu'elle avait repéré au début de l'été avoisine maintenant les 3 mètres. En moins d'une demi-heure, Faustine remplit un seau de 10 litres de baies noires. C'est pour elle un véritable trésor. Jusqu'à présent, elle a toujours considéré ce fruit rare comme un produit de luxe. De retour à la maison, elle installe Julien dans son bébé relax sur la petite table de la cuisine. Entre deux caresses et 3 chansons, Prétendant qu'il l'aide, elle lui confie une pelle en bois qu'il est tout fier de réussir à agripper. Pendant qu'il lui fait la conversation, elle nettoie ses pots, lave les murs, les arrose de sucre, 1 kilo par kilo de fruits, et fait cuire le tout 2 heures. Comme elle préfère la gelée à la confiture, elle récolte simplement le jus concentré à la louche et remplit ses pots. Cela donne une gelée extraordinaire qui se conservera des années. De temps en temps, si elle a besoin d'un peu de solitude ou simplement envie de téléphoner tranquillement, Faustine engage Mado, la fille des voisins, pour promener Julien à sa place. Mais Julien préfère, et de loin, que sa maman joue avec lui ou chante ses 2 airs favoris, le pont de la rivière Kouai et Lily Marlène. Il éclate de rire aux tentatives ridicules de Faustine de siffler les thèmes correctement. Il gazouille de concert tout en s'efforçant d'attraper le ruban accroché au mobile. Observer sa petite main saisir le mince galon, voir ses yeux briller et sa bouche s'ouvrir sur un grand rire est le plus beau cadeau qui soit. Faustine en oublie son petit torse atrophié et sa respiration sifflante. Lumière dans sa nuit, la visite de Sylvie, la chère, la fidèle, l'irremplaçable amie. Arrivée à Saint-Rémy avec son mari un jour de crise où Julien vient d'être pris en charge par l'hôpital d'Orsay, elle y rejoint Faustine. Elle ne peut retenir ses larmes en voyant le bébé. En 3 jours, il a perdu tout le poids que Faustine avait laborieusement réussi à lui faire prendre. Ses yeux lui mangent le visage et ne va pas bien du tout. Faustine s'applique à le nourrir, non sans peine. Pendant qu'il dort, Sylvie invite Faustine au restaurant afin de la sortir et distraire un peu. Les deux femmes peuvent enfin se raconter toutes les péripéties de leurs accouchements. Après tout, c'est un passage crucial de leur vie et Faustine n'a pas encore reçu son comptant d'attention en la matière. Ce soir-là, elle se laisse aller. Le restaurant est à 2 pas de l'hôpital. Elle est proche du coma éthylique quand, enfin, autour de minuit, elle s'abat sur le lit d'appoint à côté de Julien. Le lendemain, il va suffisamment mieux pour qu'il puisse rentrer à la maison. Chaque instant passé ensemble est précieux. Aussi longtemps que Faustine peut lui offrir la caresse du soleil et du vent sur sa peau, des chansons, des soins appropriés et qu'il ne souffre pas, elle refuse d'abandonner son bébé au corps médical. Une fois, une seule, elle a flanché. Au lendemain d'une nuit particulièrement agitée, où elle était intervenue tous les quarts d'heure, entre 2 et 6 heures du matin, elle n'en pouvait plus. Elle a chuchoté à l'oreille de Julien. « Si tu veux partir maintenant, tu peux. Je suis prête. » Réalisant soudain ce qu'elle venait de dire, elle a vite éclaté en sanglots, s'était reprise. « Oh non, mon bébé, mon amour, non, je ne pensais pas ce que je disais. Ne me quitte pas, je t'en prie, pas encore. » Comme s'il l'avait comprise, Julien avait fait diversion et rit devant les posters qui décorent la montée des escaliers. Ce sont les affiches de certains films d'Humphrey Bogart. Il confond l'acteur avec son papa, qui a la même calvitie, et chaque fois, il se bidonne. Faustine a été rassurée, il ne l'a pas entendu. S'il lui était arrivé quelque chose à ce moment-là, elle ne se le serait jamais pardonné. Daphné est revenue. Elle a commencé les cours à Versailles. Comme prévu, elle rentre les week-ends, profite de son frère. Maxime, lui, s'abrutit au travail. Il ne touche plus sa clarinette. Dommage qu'il n'ait plus le cœur à ça. Faustine est sûre que l'entendre répéter ferait du bien à Julien. Il accumule les dossiers à la maison, veillant sur le sommeil des siens. La dernière semaine de septembre est pénible. Julien décline de jour en jour. Il n'est pas malheureux, non, mais on sent que ses forces l'abandonnent. Le 1er octobre, l'enfant a une crise qui nécessite une nouvelle hospitalisation. Faustine passe la journée près de lui. Joue, chante, le promène dans le couloir quand il est éveillé. Le soir venu, après son travail, Maxime remplace Faustine qui peut rentrer un moment à la maison. Prendre une douche, se reposer, boire un verre. 2, 3, 4. Elle reviendra demain, à l'aube. Au matin, la jeune femme n'a pas entendu son réveil. Elle arrive à l'hôpital vers 8 heures et prend la relève. Maxime part au travail, énervé d'être en retard. Faustine se penche sur son bébé. Sa respiration semble difficile. Il dort, comme s'il était dans le coma. Elle reste une demi-heure à ses côtés, puis réalise qu'il n'y a plus d'eau dans le vaporisateur. Elle dévisse la petite bouteille, s'occupe de la remplir. Quand elle revient auprès de Julien, elle se rend compte immédiatement que quelque chose cloche. L'enfant ne respire plus. Dans un état second, Faustine appelle les infirmières. Venue en courant, elle confirme que Julien est parti. Persuadée que la petite âme s'est envolée par là, Faustine considère longuement le plafond. Elle murmure. « Au revoir, mon bébé. Je te rejoins bientôt. » Puis elle sort de la pièce, court dans le couloir. À boire. Il lui faut à boire tout de suite, sinon elle va tomber, mourir à son tour, là, maintenant, tout de suite. Une infirmière l'attrape au passage. Où allez-vous, madame? Je sors un instant. Attendez, je vais vous faire un bon café. Ensuite, nous appellerons votre mari. Asseyez-vous un instant. L'infirmière, une matrone noire, s'est exprimée avec une telle assurance, une telle humanité, que Faustine n'ose pas refuser. Vous croyez? Oui, peut-être. Maxime décroche à la première sonnerie. C'est fini. J'arrive. Les infirmières ont fini la toilette du bébé. Elles appellent Faustine pour recevoir ses instructions. Elles voudraient attacher la mâchoire du bébé pour que sa petite tête reste droite. Faustine refuse. Foutez-lui la paix, ce n'est pas un œuf de Pâques. Elle voudrait aussi lui mettre son plus beau pyjama, savoir ce que les parents ont prévu. Elle pleure. La doctoresse arrive pour le constat du décès officiel. Elle pleure aussi. Maxime est là, prend sa femme dans ses bras et fond en larmes. Faustine, en état de choc, garde les yeux secs. Le médecin-chef les rejoint. Après avoir exprimé ses condoléances, il leur signifie qu'il a réservé l'ambulance pour ramener Julien chez lui en début d'après-midi. De cette manière, le constat de décès se fera à la maison. Il n'y aura pas d'exigence d'autopsie. Les formalités seront réduites. Sur le chemin du retour, Faustine et Maxime s'arrêtent dans la première entreprise de pompes funèbres venue pour commander un petit cercueil blanc. N'ayant ni l'un ni l'autre le cœur de faire à manger, ils prennent des sandwichs à la boulangerie en passant. Ils font également le plein d'essence en prévision du lendemain. Faustine cherche désespérément quelque chose à boire. On dirait que Maxime fait exprès d'éviter tous les endroits où elle pourrait acheter de quoi s'anesthésier, faire taire la souffrance, juste un instant, ne pas devenir folle. À la station-service, elle trouve de l'extrait de rhum pour pâtisserie, bien caché derrière le comptoir. Pathétique. Elle déteste Maxime de la laisser en pareil état. C'est bien sa chance d'être sobre pour subir son supplice en toute conscience. À la maison, elle n'a pas le temps de se précipiter sur le bar, quasi vide de toute façon, que le téléphone sonne. Allô? Bonjour, c'est Faustine? Oui, et vous? Oh, moi c'est Marivonne. On s'est croisés à New York en 1979, tu te souviens? Écoute, je viens à Paris la semaine prochaine, on pourrait se revoir. J'ai besoin d'un logement gratuit pour quelques jours et tu m'avais proposé de te recontacter en cas de besoin. Ah, je suis désolée, Marivonne, ça tombe très mal. Mon fils est décédé ce matin. On descend à Saint-Julien demain pour l'enterrement. Oh, pardon. Je suis désolée, je te rappellerai. Toutes mes condoléances. En raccrochant sur cet appel surréaliste, Faustine ressent le besoin impérieux d'appeler son père à Bâle. Cela fait des années qu'elle l'ignore, il est temps d'oublier les fâcheries. Elle ne se souvient plus qu'elle l'avait contacté depuis les USA. C'est vrai qu'elle était dans un état lamentable. Aujourd'hui, il faut qu'elle le prévienne. Il répond à la seconde sonnerie. En larmes, elle lui annonce la mort de Julien et les circonstances de son décès. Elle lui dit de faire attention car tant Fabienne que Marc, ses demi-frères et sœurs, pourraient connaître le même destin avec leurs propres enfants. Papa est infiniment triste. Il essaye de la consoler comme il peut, mais que dire? Ne nous laisse plus si longtemps sans nouvelles. Après son père, elle appelle sa mère. Je voulais juste te prévenir. Ma pauvre chérie. Dring! Cette fois, c'est la sonnette de l'entrée. Maxime ouvre à Marine, la pédiatre, venue constater officiellement le décès de Julien. Lorsque les papiers sont remplis, ils boivent un café tous ensemble. Puis, pendant que Faustine monte se reposer, Maxime continue la tournée des téléphones. Il faut prévenir le bureau et aviser leurs plus proches amis. In all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through, chestnut trees, the wishing well, I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll in everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the I'll be looking at the moon.